إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui inshallah qu'est-ce qu'on va étudier ensemble? On va étudier la aqida de l'imam al-Humaydi qui s'intitule Sharh Usul al-Sunnah. Donc la aqida de l'imam al-Humaydi, on va comprendre qui c'était l'imam al-Humaydi. Abdullah ibn Zubair al-Humaydi, Abu Bakr c'est sa kunya. On va lire tout ça en détail, son histoire, sa vie, qui il était, qu'est-ce que les ulama de son époque ont dit de lui. Et yani, qui étaient ses chouyouchs et qui étaient ses élèves, on va commencer par ça inshallah. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, inshallah, on va commencer par une petite introduction en ce qui a rapport avec la aqida des salaf salih et l'importance justement de comprendre et de connaître leur aqida. Et yani, c'est très important de toujours yani, ramener notre aqida au salaf. Et de savoir que cette aqida qu'on, en laquelle on croit, eh ben, c'est pas quelque chose qui est apparu, des siècles et des siècles après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une aqida qui est tirée du Coran et de la Sunna et qui a été acceptée et appliquée et suivie et enseignée depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par les sahaba, et par les tabi'in, et par les tabi'it tabi'in, et ceux qui les ont suivis jusqu'à notre époque, radiyallahu anhum ajma'in. Donc, yani, c'est pas comme certaines personnes qui essaient de prétendre aujourd'hui, à notre époque, que la salafia, c'est quelque chose de contemporain, c'est un nouveau groupe qui vient d'apparaître, que c'est une nouvelle secte, ou que c'est une nouvelle croyance, quelque chose qui vient d'apparaître, quelque chose de comparable aux groupes et aux sectes et aux jama'at qui existent dans le siècle yani présent, yani c'est pas le cas. La aqida des salaf, elle existe, comme on l'a expliqué, depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a été transmise, elle n'a pas été falsifiée ou changée depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Et c'est pas Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui l'a inventé cette aqida. Et c'est pas le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui l'a inventé non plus. Donc, notre aqida, elle ne vient pas de ces deux grands imams de l'islam-là, mais au contraire, elle vient, comme on l'a expliqué, des sahaba et de ceux qui les ont suivis par la suite. L'imam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab n'ont été que deux parmi les nombreux ulama de cette umma qui ont clarifié et expliqué et enseigné cette aqida et qui l'ont défendue et qui ont réfuté les idées et les croyances qui viennent en opposition à cette aqida. Donc, alhamdulillah. Et la aqida des salafs et le manhaj des salafs al-salih, c'est pas une voie parmi les voies, c'est pas une voie, c'est-à-dire parmi les voies dans le sens que tu as le choix de l'accepter ou d'accepter une autre d'entre les manahij ou des aqaïd qui sont propagés parmi les musulmans aujourd'hui, non. Cette aqidah-là, c'est la seule qui est la vraie. Et c'est la seule qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule qui exprime et qui représente la pureté de l'islam. la réalité de l'islam dans toute sa pureté, hein, et nettoyer de toutes les innovations, de toutes les falsifications, de toutes les hérésies qui ont été ajoutées à travers les siècles, de la part des gens de bid'ah, de la part des groupes, de la part des sectes, et etc. Donc, alhamdoulilah, ça c'est une petite introduction qui est importante à faire, surtout à notre époque, parce que on sait ce qui se passe actuellement, des gens qui essaient de déformer la réalité de cette aqidah, la réalité de ce manhaj, et qui essaient de faire croire aux gens que cette aqidah des salafs, c'est quelque chose de nouveau ou de récent. D'accord? Donc, on va étudier ensemble cette risala, cette aqidah, les usul de la sunna, de l'imam al-Humaydi, qu'on peut retrouver dans Sharh usul i'tiqad al-sunna de l'imam al-Lalaka'i, hein, qui se retrouve dans le recueil des croyances des salafs qui sont recueillies par l'imam al-Lalaka'i, par d'autres imams également, et certains parmi les mashaykhs et les ulama de notre époque, les tulab al-ilm, ils ont fait des tahqiqs de cette aqidah, ils ont fait des shurouhs de ces principes, de ces fondements-là, et donc, c'est justement une de ces risalas qu'on va étudier justement, les usul de la sunna écrit par l'imam al-Humaydi, qui a été vérifié et authentifié par un des tulab al-ilm, un des professeurs de l'université islamique à Médine. Et il a fait une petite introduction sur la aqidah des salafs, donc je pense que c'est important de la lire ensemble, inshallah, avant de commencer. Donc, le Cheikh dit « Kalimatun fi ahamiyati al-aqidati wa inayati al-salafi biha. Inna dirasata aqidati al-salaf wa ibrazaha lil-nasi wa tawdihaha wa ardaha sawa'a bil-kitabati anha au tahqiq al-kutubi wa al-rasail al-mabniya laha المبينة لها له أهمية كبرى خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وظهر فيه الشرك وانتشرت البدع وأصبحت العقيدة السلفية غريبة في ديار المسلمين لما رسخ في أذهانهم من العقائد المخالفة لعقيدة السلف. يذيك لعقيدة السلف ولفير طهد pour les gens, de la clarifier aux gens, de la montrer aux gens, de leur présenter à notre époque, c'est quelque chose qui est devenu quelque chose parmi les choses les plus importantes. Et que ce soit par écrit ou que ce soit par le fait de faire l'authentification et la vérification des livres et des écrits qui ont été faits par les salafs justement sur ces sujets-là. Ça a une grande importance à notre époque en particulier, étant donné qu'il y a beaucoup de tribulations, beaucoup de fétanes, beaucoup de problèmes qui se sont répandus justement, de déviations, de béda, de shirk qui se sont répandus à travers les pays musulmans. Et la aqida des salafs à notre époque, elle est devenue quelque chose d'étrange, elle est devenue quelque chose qui est rarible, hein, même dans les pays musulmans, parce que toutes sortes de fausses croyances ont été ancrées dans la mentalité, dans l'esprit de beaucoup d'entre les musulmans aujourd'hui, et ce sont des croyances qui sont en contradiction avec la aqida des salafs. تظهر هذه الأهمية للأمور التالية. أولا أن عقيدة السلف تميزت بالوضوح حيث أنها تتخذ من نصوص الكتاب والسنة قاعدة لها تنطلق منها في التصور والفهم بعيدا عن شبه المعطلين والمتأولين والمشبهين. Premièrement, parmi les choses qui vont nous montrer l'importance de cette aqidah, la aqidah des salafs, c'est que cette aqidah, elle se distingue par le fait qu'elle est claire, hein, et qu'elle se prend directement des textes du Coran et de la Sunna. Donc le Coran et la Sunna sont en fait un fondement dans cette aqidah. Elle ne part pas d'autre chose, elle ne part pas d'une règle rationnelle ou d'une base qui est tirée de la logique grecque ou d'autres choses d'étrangers à l'islam, non, elle est extraite directement des textes du Coran et de la Sunna, et donc elle est simple à comprendre et simple à expliquer également, et elle est loin de toutes les formes d'ambiguïté qui pourraient être propagées par les gens qui nient par exemple certains aspects des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui essaient de déformer la réalité des textes de la religion ou qui essaient de faire différentes formes de falsification dans la religion, dont on va en parler à travers les différents points de cette aqida parmi les fondements de la sunna que le cheikh va mentionner. Deuxièmement, ثانياً أن في التزام المسلم بعقيدة السلف اتباع لما أمر به القرآن الكريم ودعت إليه سنة الرسول الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوب اتباع سبيل المؤمنين الصادقين الذين يسلمون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يزيغوا بعقولهم عن هذا الصراط المستقيم. Le fait de suivre, يعني le fait que les musulmans suivent la aqida des salaf, et qu'ils suivent cette aqida dans le sens qu'ils suivent ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de suivre dans le Coran al-Karim et ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de suivre dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du fait que Allah nous ordonne ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans de nombreux versets de suivre la voie des mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple dans plusieurs versets, mais dans un verset en particulier, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Ce verset-là, c'est un des fondements parmi les fondements de ce manhaj, du fait qu'on doit suivre la voie des mu'minin si on veut avoir le salut, et qu'il n'y a pas de salut en dehors de la voie des mu'minin, c'est-à-dire les sahaba, ridwanallahi alayhim. Et également dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, يعني فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. Et on connaît le hadith, c'est le célèbre hadith de Al-Arbad ibn Sariya. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de suivre sa sunna et la sunna de ses successeurs bien guidés après lui. Donc ça c'est un autre des fondements, parmi les fondements de ce manhaj. Bien entendu il y en a bien d'autres, qui sont très nombreux, mais ça c'est juste pour vous donner des exemples à ce sujet-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre cette voie, de suivre la voie des croyants qui sont sincères et qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sans avoir dévié en suivant leur passion ou leur raison, qui ne se sont pas éloigné ou détourné du droit chemin. ثالثا أن عقيدة السلف هي التي توحد الصفوف وتؤلف بين القلوب وتجمع الأمة على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتدفع بها لمحاربة الشرك والضلال ونشر العدل والحق بين الناس. ومن يقرأ تاريخ الإسلام أو تاريخ الأمة الإسلامية في صدرها الأول يتضح له هذا الأمر جليا، حيث أنهم قد ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والجهاد والفداء في نشر هذه العقيدة وحمايتها والدفاع عنها، هذا بعكس أصحاب الأهواء والملل والنحل والطوائف التي تنتسب إلى مؤسسها أو باني أفكارها. Le cheikh il dit troisièmement, c'est que la aqida des salaf, c'est la seule aqida qui peut réunir les rangs des musulmans et également rapprocher les cœurs des musulmans aussi, pour ramener la ummah sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui repousse et qui déclare la guerre au shirk et à l'égarement, et qui répand la justice et la vérité entre les hommes. Donc il n'y a pas d'autre aqidah qui appelle à ces choses-là ou qui établit ces choses-là en dehors de la aqidah des salafs. Et quiconque lit à travers l'histoire de la Ummah de l'Islam, quiconque lit depuis le début de cette Ummah jusqu'à notre époque, il étudie qu'est-ce qui s'est produit comme changements et événements à travers la Ummah, il va réaliser de façon très claire que les salafs ont donné le meilleur exemple. Les exemples les plus beaux de sacrifices, de lutte, dans le but de propager cette aqida et de protéger justement cette aqida, et dans le but de la défendre et de la propager telle qu'elle est, contrairement aux gens de bid'ah, aux gens de passion, aux gens qui suivent des groupes et des sectes qui s'attribuent ou qui prétendent appartenir aux fondateurs de ces différentes sectes, de ces différents groupes qui sont apparus à travers l'histoire, Hein, et yani, on connaît des exemples de ces sectes-là yani, à travers les époques, que ce soit les Khawarij, les Murji'a, yani, les Shi'a, les Rafida, les Mu'tazila et les autres Firak Dal. Donc on va en parler de ça à travers l'explication de ce livre. Le Cheikh il dit comme quatrième point, « Anna aqidat al-salaf tunji al-muslim min al-halak wa taj'aluhu يسلم من تعطيل المعطلين وتأويل المؤولين وتشبيه المشبهين ويقبل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في إذعان تام وتسليم مطلق. Donc cette aqida qui la aqida des salaf, elle sauve le musulman de la perdition et elle fait qu'il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il accepte la religion telle qu'elle est, hein, donc il est sauvé et il est épargné de la négation des négateurs, des déformations de ceux qui essaient de déformer le sens de la religion et des formes de tashbih, que ceux qui veulent faire ressembler Allah à sa créature essaient de propager. Hein. Donc il dit que elle se base sur le fait de suivre ce qui est rapporté par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et dans une soumission totale et dans une acceptation absolue. ولهذا نرى السلف رحمهم الله اعتنوا بجانب العقيدة عناية فائقة وبذلوا جهودا كثيرة في توضيحها وبيانها والمحافظة عليها والعض عليها بالنواجذ وتحذير الناس من مخالفتها وسلوك طرق أهل الأهواء والبدع وخاصة الجهمية والمعتزلة ومن حذى حذوهم من الأشاعرة الذين دعوا إلى تعطيل أسماء الله وصفاته ونفيها أو تحريفها وتأويلها أو تأويل بعضها بدعوى تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وكان ذلك بعد انتشار علم الكلام المأخوذ من كتب الفلاسفة التي ترجمت إلى اللغة العربية في عهد المأمون فبلبلت الأفكار أو أفكار المسلمين وزادت من الفتن والخلافات بينهم والتي كادت تقضي على عقيدة السلف الصالح ولكن الله سبحانه وتعالى سلم وهيأ لهذه الأمة علماء أجلاء ردوا باطل هذه الفرق فدعوا إلى الله عز وجل وألفوا رسائل وكتبا ودونوا مقالات وحفظت عنهم لبيان العقيدة الصحيحة والرد على أعدائها ومخالفيها والتحذير منهم فنصرهم الله تعالى وأيدهم بمنه وإحسانه. Le Cheikh il dit, c'est pour cette raison-là qu'on voit que les salafs, que Allah leur fasse miséricorde, ils ont donné à la aqida la plus grande importance. Hein? Ils ont donné à la croyance et la aqida la plus grande importance. Et ils ont fait tous leurs efforts hein, pour la clarifier et pour l'expliquer et pour la préserver. Et ils ont mordu dedans avec leurs molaires, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, en donnant l'exemple de mordre hein, après la corde, c'est-à-dire de mordre après la sunna, ou de s'accrocher à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ils ont averti les hommes contre tout ce qui est en contradiction avec cette aqida, et ils nous ont ordonné justement de faire attention et de prendre garde par rapport à toutes les voies qui sont les voies de la passion parmi les voies des gens de Bid'a, et en particulier les voies des Jahmiyyah et des Mu'tazila, et tous ceux qui ont suivi leur tendance et leur voie parmi les groupes qui ont suivi par la suite, comme les Asha'ira par exemple, qui ont appelé à la négation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de les déformer ou de changer leur sens et leur signification. Et si c'était pas de les changer en entier, c'est-à-dire de les changer au complet, c'était de changer une partie de ces noms-là dans leur signification et de les déformer de leur sens, dans le but de les nier, en prétendant qu'ils voulaient, en faisant cela, purifier Allah subhanahu wa ta'ala des imperfections. Donc, c'est-à-dire de l'imperfection, de la ressemblance avec sa créature. Ça, on va en parler plus en détail pour clarifier qu'est-ce qu'on veut dire exactement à ce sujet-là dans les différents exemples qui vont être mentionnés par l'imam al-Humaydi, rahimahullah. Et donc, La raison pour laquelle toutes ces choubouhats et toutes ces formes de déviation et ces formes d'innovation ont été propagées parmi les musulmans, c'est une des causes de ça, ça a été la propagation de qu'est-ce qu'on appelle ilm al-kalam parmi les musulmans. Et ilm al-kalam, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de théologie basée sur la logique, basée sur la raison. C'est-à-dire que les gens qui ont adopté cette méthode, quand ils ont vu les philosophes des kuffars parmi les Grecs et les autres qui commençaient à parler de Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur la raison et sur la logique, et commençaient à essayer de nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur des preuves rationnelles soi-disant, eh bien ils ont dit nous aussi on doit utiliser la raison et la logique pour défendre l'islam. Donc ils ont mis de côté le Coran, ils ont mis de côté la Sunna et ils ont commencé à essayer de dire bon, on va essayer d'établir et de défendre cette aqidah, mais sans se baser sur les textes, uniquement en se basant sur la raison et sur la logique. Et en faisant ça, et en suivant cette voie-là, ils sont tombés dans beaucoup de déviations, beaucoup d'égarements, beaucoup d'hérésies et beaucoup de bid'ah. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à nier certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par la suite à cause de ça. Et certains des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et certaines sectes parmi les sectes sont allés jusqu'à nier tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les Jahmiyyah par exemple. Donc ceux-là sont ceux qu'on appelle Ahlul Kalam. C'est des gens qui ont utilisé justement cette méthode qu'ils appellent Ilmul Kalam, c'est-à-dire une méthode philosophique ou soi-disant logique, qui est la logique grecque, pour essayer de défendre l'islam ou de défendre la aqidah. Et ça s'est propagé parmi les musulmans, en particulier lorsque les livres des philosophes grecs ont commencé à être traduits en arabe, à l'époque de Al-Ma'moun. Al-Ma'moun qui était un des khulafa parmi les khulafa des Abbasiyya. Donc, à partir de ce moment-là, à partir que ces livres-là ont été traduits en arabe, et que les gens ont commencé à les étudier et à se baser sur ces livres-là pour essayer de défendre la aqidah de l'islam, c'est là que la déviation et les sectes ont commencé à se propager parmi les musulmans encore plus. Et donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, parce que souvent vous allez entendre des gens de bid'ah à notre époque qui disent « mais on a le droit de prendre la science de tout le monde, que ce soit des Grecs ou des gens de d'autres origines, l'islam nous interdit pas de profiter de la science des différents peuples ». Et la réponse à ce sujet-là, c'est que oui, bien entendu, alhamdoulilah, la science des choses de la dunya, des choses techniques, des choses de ce genre, il n'y a pas de problème du fait de les étudier pour les apprendre, pour en profiter, puisque ce sont des choses bénéfiques et des choses que les choses dont les musulmans peuvent profiter. Mais de là à prendre les idéologies, les théories des koufars qui ne sont basées sur aucun fondement et aucune chose réelle, ce sont seulement des spéculations ou des idées qu'ils ont, des hypothèses, et de les prendre comme étant des vérités absolues et de juger à partir de ces idéologies-là ou de ces théories ou de ces hypothèses, de juger le Coran et la Sunna en se basant là-dessus et de rejeter les versets du Coran et de la Sunna qui sont en contradiction avec ces idéologies-là, qui ne sont même pas vraies à la base, donc ça c'est la grave erreur. Et alhamdoulilah, le fait qu'on utilise les choses qui sont utiles et bénéfiques, que ce soit écrit par des Grecs ou par d'autres parmi les peuples qui ne sont pas musulmans, ça c'est pas un problème. Mais quand ça rentre dans les questions qui ont rapport avec la aqidah et les questions qui ont rapport avec le manhaj, là on doit mettre ces choses-là de côté et comprendre que ce sont uniquement des théories inventées par l'homme, des efforts de l'homme pour essayer de comprendre ou d'expliquer les réalités, mais quand on parle du raïd, on ne peut pas se baser sur notre aql, on ne peut pas se baser sur notre logique pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas se baser sur notre logique pour essayer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir comment on doit l'adorer. Ça c'est des choses qui ne peuvent être connues correctement que par l'intermédiaire de la révélation d'un prophète ou d'un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'un livre révélé. Donc celui qui essaie de se baser sur la logique des Grecs ou la logique des Hindous ou la logique des autres peuples qui est en opposition avec le message des messagers, eh bien il ne peut que ramener l'égarement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « فَمَذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ » Qu'est-ce qu'il y a après la vérité excepté que l'égarement? Et donc c'est ça la réalité. Ceux parmi ces gens-là de Dhalal, comme les Jahmiyyah et les Mu'tazila, et les autres qui les ont suivis, comme les Jahmiyyah et les Maturidiyah par la suite, qui ont essayé de comprendre ou de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, en se basant sur leur tête, en se basant sur leur cerveau, en se basant sur leur logique limitée et imparfaite, eh bien ils n'ont fait que tomber dans l'égarement. Et c'est pour ça donc que le cheikh il dit que ces idées-là, elles ont commencé à corrompre les esprits des musulmans par la suite, et elles ont augmenté les fitan, qui est le pluriel de fitna, c'est-à-dire les différentes divergences et les problèmes et les tribulations, les épreuves, les tentations qui sont propagées parmi les musulmans et les divisions, ça n'a fait qu'ouvrir la porte à ces choses-là. Et à notre époque aujourd'hui, il y a des choses qui ressemblent un peu à ça, du fait que il y a des musulmans qui ont accepté des théories ou des idéologies qui sont propagées par les koufars parmi les musulmans. Et il y en a qui ont cru parmi les musulmans que ces idéologies-là, aujourd'hui c'est par ces idéologies-là qu'on peut comprendre le monde et qu'on peut mettre de côté le Coran et la Sunna. On n'a pas besoin de s'y référer. Qu'est-ce qui est dans les idéologies, dans les théories, dans les hypothèses des koufars, c'est mieux que ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et ça c'est la porte de l'égarement. Et donc, on peut remarquer qu'il y a une ressemblance entre ce qui s'était passé à l'époque, lorsque les philosophes, les musulmans ont commencé à traduire les paroles des philosophes en arabe, et qu'est-ce qui se passe à l'époque actuelle, lorsque les musulmans traduisent les philosophies occidentales en arabe et commencent à les propager et à les enseigner dans les pays musulmans, et à dire aux musulmans, laissez de côté le Coran, laissez de côté la Sunna, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient de ces hypothèses et de ces théories-là nous suffit et que c'est meilleur que ce qui est dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est exactement la même chose que ce qui s'était passé à l'époque de Al-Ma'moun. Donc c'est l'histoire qui se répète encore une fois. Donc le cheikh il dit que lorsque ces philosophies-là se sont propagées parmi les musulmans, elle est un peu plus et ça allait enrayer complètement la aqidah des salaf, tellement ça a causé beaucoup de problèmes, beaucoup de fitan parmi les musulmans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé justement cette aqidah et cette ummah, et a fait en sorte qu'il y ait parmi les musulmans de cette ummah des ulamas, des grands ulamas, qui allaient réfuter justement la fausseté de ces philosophies, la fausseté de ces sectes, et qui allait appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces ulama ont écrit des livres et ont réuni et rassemblé les paroles des ulama des salaf pour clarifier justement la aqidah qui est bonne, la aqidah qui est correcte, et pour réfuter les ennemis de cette aqidah et les gens qui s'y opposent, et pour avertir contre ces gens-là également. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à ces ulama et les a supportés par sa grâce et par sa bonté, et il a fait en sorte que cette aqidah, qui est la aqidah des salaf, soit toujours au-dessus. Et vous allez voir qu'à différentes époques de l'histoire, ceux qui supportent et qui défendent cette aqidah-là, ils peuvent être à certaines époques forts, et à certaines époques, ils sont faibles. À certaines époques, ils sont nombreux, à certaines époques, ils sont moins nombreux. À certaines époques, ils sont dans un pays en particulier, ils sont plus nombreux, et dans une autre époque, c'est dans un autre pays ou dans une autre région qu'ils sont plus nombreux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fixe ou qui est stable ou qui reste à un endroit fixe seulement, non. C'est quelque chose qui peut se manifester et être plus apparent dans certains endroits ou dans certaines régions, qui peut être plus fort dans certaines époques et plus faible dans d'autres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est une chose qu'on devrait tous se souvenir, il a dit « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amru Allah wa hum ala dhalik. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura toujours, c'est-à-dire toujours, ça dit il y aura depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier, et il y en aura toujours une partie de cette umma qui va être sur le haqq. Donc il n'y aura jamais une époque, depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, il n'y aura jamais une époque où quelqu'un pourra dire tous les musulmans sont égarés. Jamais. C'est-à-dire que même si une grande partie des musulmans s'égarent du droit chemin, il y aura toujours une partie parmi les musulmans qui est sur le haqq, qui est sur le Coran, qui est sur la sunna, qui est sur la aqida des salafs. Mais il suffit de les reconnaître par leurs caractéristiques et de savoir quels sont leurs fondements et quels sont leurs principes, hein. Et une fois qu'on a compris les fondements et les principes, eh bien par la suite on pourra les reconnaître et se rallier à eux et croire en ce qu'ils croient et suivre ce qu'ils suivent, hein. Donc alhamdulillahi rabbil alamin. Ceux qui suivent des groupes contemporains, hein, qui sont apparus au début de ce siècle, hein, où est-ce qu'ils étaient ces groupes-là avant la création de ces groupes, avant l'apparition de leurs fondateurs? Ils n'existaient pas. Le groupe sauvé ou le groupe victorieux dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler, c'est un groupe qui existe depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui reste jusqu'à la fin des temps, hein. Et donc ce groupe-là, comme j'ai dit, il faut les connaître leurs caractéristiques, connaître leurs croyances, connaître leurs fondements et leurs principes, et une fois qu'on a connu ça, on peut les reconnaître et on peut les suivre et s'accrocher à eux. D'accord? Donc, le cheikh dit « wa qad barazat juhuduhum fil jawanib at-taliya » التأليف أو تأليف الكتب والرسائل في بيان العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وتوضيحها وشرحها وعرضها مقرونة بأقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من السلف الصالح. ومن المصنفات في هذا الجانب كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب السنة لابن أبي بكر لأبي بكر الخلال، كتاب الشريعة للآجري، كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري، أصول السنة لابن أبي زمنين، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. لشيخ الذكر on peut voir les efforts des ulama, des salafs qui ont défendu cette aqida et qui ont yani réfuté les gens qui opposent cette aqida de différents points de vue. Premièrement, par les livres, hein, et les écrits des savants qui ont clarifié cette aqida, qui est la vraie aqida, qui est tirée du Coran et de la Sunna, et qui l'ont clarifié, qui l'ont expliqué, et qui l'ont présenté en mentionnant avec des paroles des salaf al-salih parmi les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis après parmi les salaf al-salih. Donc parmi ces livres-là, on en retrouve de nombreux exemples, et le cheikh il en nomme quelques-uns parmi ces livres-là. Par exemple, le livre al-sunnah, kitab al-sunnah de l'imam ibn Abi Asim, l'imam ibn Abi Asim qui est mort en l'an 287. Hijri. Donc, tous les livres dont on parle, tous les imams dont on parle, ce sont des imams qui sont morts des siècles avant la naissance de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc, c'est pour vous faire comprendre en même temps que celui qui a amené cette aqida, c'est pas l'imam Ibn Taymiyyah. L'imam Ibn Taymiyyah, il n'a fait que répéter et ramener ce que les imams avant lui avaient enseigné de l'islam et de la aqida des salafs. Il n'a rien inventé de lui-même, hein. Donc, ça, c'est pour réfuter ceux qui prétendent que la da'wa salafia ou le manhaj des salafs, c'est quelque chose qui est nouveau, ou qui est récent, ou qui ne vient pas de l'époque des salafs al-salih. Hein? Non, ce n'est pas vrai. Le manhaj et la aqida que suivait Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il l'a pris des ulama qui étaient là avant lui, et des imams parmi les imams des salafs qui vivaient avant lui, hein? Comme l'imam qu'on vient de mentionner, Ibn Abi Asim, hein? Kitab al-Sunnah, du fils de l'imam Ahmed, Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, qui est mort en l'an 290 Hijri. Kitab al-Tawhid, l'ibn Khuzaymah, qui est mort en 311 Hijri. Kitab al-Sunnah, l'Abi Bakr al-Khalal, l'imam Abu Bakr al-Khalal, qui était un des élèves de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Okay? Et il a écrit ce livre qui s'appelle al-Sunnah. Kitab al-Sharia, l'Al-Ajurri. Al-Sharia, c'est aussi un autre livre qui réunit les paroles des salafs sur différents points de la Aqida et des fondements de la Sunna. L'imam Al-Ajurri qui est mort en 360 Hijri. Le livre qui s'appelle Al-Ibana Al-Kubra de l'imam Ibn Battah, qui est mort en 387, dans lequel il réunit les citations et les paroles des salafs sur les fondements et les croyances des salafs, justement, sur différents points de la Sunna. Usul al-Sunna de l'imam Ibn Abi Zamanayn, qui est mort en 399 Hijri, et Sharh Usul i'tiqad Ahl al-Sunna wal-Jama'a de l'imam Al-Lakai, qui est mort en 428 Hijri. Donc ça, c'est l'exemple de cette catégorie de livres qui ont été écrits parmi les imams des salafs, qui réunissent les croyances des salafs basées sur le Coran et la Sunna, et qui mentionnent en plus de ça des paroles et des citations des sahaba et des tabi'in et des tabi'i tabi'in et des grands imams parmi les salafs qui ont défendu et supporté ces principes et ces fondements et cette aqidah. C'est pour faire comprendre aux gens que cette aqidah, elle n'est pas tirée de nos esprits, de notre tête ou de notre compréhension à nous aujourd'hui, mais elle est tirée du Coran et de la Sunna, et des imams avant nous, depuis l'époque des Sahaba, l'ont supportée, l'ont défendue. Et donc, alhamdoulilah, on peut reconnaître la vérité dans les exemples de ces livres-là. Tout le monde peut s'y référer. La plupart de ces livres qu'on a mentionnés maintenant sont publiés, sont en vente dans les librairies, on peut les acheter et on peut les lire et on peut voir quelle était la aqida des salafs en lisant ces livres-là. Ce sont des références pour nous. Et lorsque vous lisez les livres de Ibn Taymiyyah, justement, vous allez voir qu'il s'y réfère constamment. Chaque fois qu'il veut affirmer ou expliquer des principes ou des points de la aqida des salafs, il va citer des paroles ou des exemples de ces imams dans ces livres-là. Et souvent, il les mentionne de mémoire. Parce que la plupart d'entre ces livres-là, il les a mémorisés par cœur. Donc il ne fait que les... Il a dans sa tête, sa bibliothèque est dans sa tête. Il prend d'où il veut, il laisse d'où il veut. C'est pour vous dire à quel point il était un grand parmi les grands ulama de la Ummah. Cheikh, il dit ensuite, comme exemple aussi, « Ta'lifu al-kutub wal-rasa'il fil-raddi ala ashab al-dalali wal-bid'i min al-jahmiya wal-mu'tazila wa ahl al-ilhadi wal-hulul » ووحدة الوجود وغيرهم ممن سار في طريقهم وذلك لإقامة الحجة عليهم وتوضيح الحق للناس خصوصا في بعض العصور التي تمكن فيها أهل البدع من إقناع الخلفاء بمذهبهم وعقيدتهم وحمل الناس عليها بالقوة مثل ما حدث في عهد المأمون والمعتصم والواثق من خلفاء الدولة العباسية حيث امتحن الناس وأوذي العلماء وعظمت الفتنة وكان ممن أوذي فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولكنه صمد وجادل المعتزلة ودحض شبههم وصبر على السجن والتعذيب حتى نصر الله السنة وقمع البدعة على يد الخليفة العباسي المتوكل رحمه الله تعالى فقد أحيى السنة ونصر أهلها. Le Cheikh, il dit, ensuite il y a une autre catégorie de livres et d'écrits et d'ouvrages parmi les ouvrages des ulama qui a pour but non seulement de clarifier l'aqida des salafs, mais en plus de réfuter les différentes personnes qui appellent à l'égarement et à la bid'a. Comme par exemple les sectes comme les groupes de Jahmiya et de Mu'tazila, les gens qui appellent à l'ilhad, c'est-à-dire la négation d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de ses noms ou de ses attributs, ou qui appellent à une idée qui s'appelle al-hulul. Al-hulul, ça veut dire quoi? C'est une idée parmi les idées des soufis ou de certains groupes parmi les groupes de soufis qui pensent que Allah subhanahu wa ta'ala se mélange avec les créatures et qu'il peut entrer à l'intérieur de certaines créatures. Donc ça, c'est une des croyances parmi les croyances des soufis. Il s'imagine que lorsque quelqu'un a fait plusieurs exercices spirituels, qu'il a suivi un cheminement soufi, une éducation spirituelle comme eux ils ont inventé dans leur religion, dans leur croyance, et bien après avoir fait certaines démarches ou certaines étapes, suivi certaines étapes, ils arrivent à un niveau où Dieu entre à l'intérieur d'eux, ils font partie de Dieu, ou deviennent un avec Dieu, ou ils se fusionnent avec Dieu, ou quelque chose comme ça. Un peu comme l'idée des soufis, ou il y en a des hindous ou des bouddhistes, ils ont un peu ces idées-là. Comme par exemple, les bouddhistes qui croient que leur âme a été emprisonnée dans leur corps, et ils doivent faire certains exercices de privation, d'ascétisme, pour se libérer de leur enveloppe charnelle qui est impure, et pour retourner à l'esprit universel qui est pour devenir un, encore une fois, à travers le nirvana ou des choses de ce genre. Donc ça, il y a des soufis qui ont incorporé ça dans leurs croyances religieuses, et ils s'imaginent, ou ils ont essayé d'imaginer, ou d'interpréter l'islam à la lumière de ces idées-là. Donc il y en a qui ont été inspirés par le bouddhisme, d'autres par l'hindouisme, d'autres par le christianisme, ou bien par le mysticisme juif, ou la kabbale, ou d'autres. Et donc c'est pour vous dire que ces idées-là sont propagées à travers les musulmans, et il y en a qui ont essayé d'interpréter l'islam de cette manière-là, ils sont venus avec des idées comme Al-Shulul. Et il y en a d'autres qui sont venus avec des idées comme, qu'on appelle, comme le Cheikh il mentionne, Wahdatul Wujud. Et ça c'est encore plus grave dans l'égarement, encore plus loin dans l'hérésie, dans le mensonge, c'est non seulement de croire que Dieu peut rentrer dans l'homme ou dans certains parmi les hommes, mais ils croient que tout est Dieu. C'est-à-dire qu'il faut nier toute distinction entre créateur et créature. Il n'y en a plus de créateur, il n'y en a plus de créature, il n'y a qu'une seule existence. Tout est Dieu, et Dieu est tout. Donc, ça c'est l'idée de Ibn Arabi, Ibn Arabi est soufi. Et d'autres parmi les hérétiques aussi qui ont eu cette croyance-là, Al-Bustami, et Ibn Sab'in, et Ibn al-Farid, et également Ahmed Tijan, et beaucoup d'autres parmi les soufis, et parmi ceux-là, Al-Ghazali a défendu ça dans Ihya Ulumuddin, cette idée-là, et beaucoup d'autres parmi les égarés, parmi les soufis, ont eu cette croyance, ou ont défendu cette croyance. Al-Hallaj, c'est un d'entre eux aussi. Il a dit, Laysatul Zubbati illallah. Il n'y a rien d'autre dans ce manteau que Allah. Il a été exécuté par les khulafas de l'époque, sous l'ordre par l'ordre des ulama qui ont jugé que c'était un zindiq. Et ils ont ordonné que cet homme-là soit exécuté parce que c'était un apostat, qui a prononcé des paroles de kufr. Et après l'avoir appelé à se repentir de ces paroles-là et de revenir sur ces paroles, il a persisté, il a insisté à continuer à dire ces idées-là. Et donc les ulama ont jugé qu'il devait être exécuté. Il a été exécuté par les juges et les ulama de l'époque, selon les règles de la charia, par rapport à ces choses-là. Donc ça c'est un exemple. Et également, des livres qui ont été écrits par les ulama aussi pour réfuter beaucoup d'autres parmi les groupes et les sectes d'égarement de ce genre. Et ils ont écrit ces livres-là dans le but d'établir la preuve, de clarifier la vérité pour les gens, et en particulier, dans les époques ou dans les périodes où beaucoup d'égarements et de bédards se sont propagés, et que dans l'époque où certains, même parmi les gens de bédards, ont réussi même à convaincre certains parmi les dirigeants de l'époque, parmi les khulafas, de leurs idées. Et donc, ces innovations, comme l'innovation des Jahmiyyah et des Mu'tazilah à une certaine époque, comme à l'époque de Al-Ma'mun et Al-Mu'tasim et Al-Watiq, ces idées-là et ces croyances-là étaient devenues les croyances officielles, les croyances de l'État à l'époque. Et tous les gens étaient mis sous l'inquisition. C'est-à-dire que tout le monde devait accepter ces idées-là, que ce soit un juge, ou que ce soit un imam d'une mosquée, ou que ce soit un cheikh ou un alim, n'importe qui enseigne l'islam ou qui a une fonction dans l'État, ils devaient affirmer leurs croyances et dire qu'ils étaient d'accord avec eux. Sinon, eh bien, ils étaient torturés ou battus ou expulsés ou même tués parfois. Et parmi justement ceux qui ont subi cette fitna et qui ont été éprouvés à l'époque, il y a justement l'imam Ahmad ibn Hanbal qui a résisté à toutes les offenses et à toutes les difficultés qu'il a subies justement parce qu'il a été torturé, il a été battu, pour qu'ils ils ont essayé de le forcer à dire que le Coran était créé, hein, que ce n'était pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréé, donc ils l'ont torturé pour arriver à le faire parler et à le faire dire cette chose-là, et il a résisté, il a tenu tête jusqu'au bout, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire sur cela par la suite, du fait que les trois khulafas qui ont été sur la bid'a des Mu'tazila durant sa vie sont tous morts un après l'autre, et le khalifa qui est venu par la suite, Al-Mutawakkil, lui, alhamdulillah, était sur la sunnah, et il a chassé tous les Mu'tazila du pouvoir, et il a remis l'imam Ahmad à sa place, et il a remis tous les ulama de la sunnah à leur position dans laquelle ils étaient auparavant. Donc, c'est pour dire comment l'imam Ahmad a tenu tête aux Mu'tazila, il a débattu avec eux, il a réfuté leurs shubuhat, il a enduré la prison et la torture, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire, il a donné la victoire à la sunnah par lui, et il a écrasé également la bid'ah, par la main de ce khalifa al-mutawakkil, rahimahullah, parce qu'il a revivifié la sunnah à son époque, et il a donné la victoire aux gens de la sunna à son époque également. Et parmi les livres qui se concentrent sur cet aspect de la sunna et de l'explication de l'aqidah des salaf, il y a les livres suivants. Le Cheikh dit « Wa min al-kutub allati ullifat fi hadha al-janib al-rad ala al-jahmiya li'abdillah ibn Muhammad al-Ju'fi » الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة الرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي من ça c'est des exemples parmi les livres des علماء des salaf qui expliquent la عقيدة des salaf et qui réfutent les mubtadi'a à cette époque là justement. Et il y a parmi ces livres-là, comme j'ai dit, Ar-Rad ala al-Jahmiya, la réfutation des Jahmiya, écrit par Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi, qui est mort en 239 Hijri. Ar-Rad ala al-Jahmiya, encore une fois, ce titre-là, il se répète souvent. Et même vous trouvez dans Sunan Abi Daoud, un chapitre parmi les chapitres de Sunan Abi Daoud s'appelle Ar-Rad ala al-Jahmiya, la réfutation des Jahmiya. Donc, parce que l'imam Ibn Abu Daoud fait partie des imams des salaf lui aussi, et il est l'élève de Ahmad ibn Hanbal. Donc, il fait partie des imams des salaf qui ont défendu la aqidah des salaf. Al-Rad al-Jahmiya wa al-Zanadiqa, écrit par l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est mort en 241. Al-Ikhtilafu fil lafz wa al-Rad al-Jahmiya de l'imam Ibn Qutayba. Qui est mort en 276, Ar-Rad ala Bishr al-Murrisi, l'Othman ibn Sa'id al-Darimi, la réputation de Bishr al-Murrisi. Bishr al-Murrisi, c'est un parmi les Mu'tazila de l'époque. Et l'imam al-Darimi a écrit un livre pour le réfuter, et il l'a appelé Ar-Rad ala Bishr al-Murrisi. Okay? Et il est mort, l'imam al-Darimi, en 280 Hijri. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Ar-Raddu ala al-Jahmiya aussi. Et tous ces livres-là, la plupart sont présents, ils sont disponibles dans les librairies, dans les maktabat, dans les librairies islamiques. Donc ça, c'est des exemples, et ça nous montre que le principe de la réfutation, qu'est-ce qu'on appelle les livres de Rudud, les livres de réfutation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est apparu à notre époque ou à notre siècle. Hein, les livres de réfutation, ça fait partie du manhaj des salaf, de réfuter et de montrer la fausseté des croyances des gens d'égarement et de clarifier la vérité pour les gens. C'est un des manhaj et un des principes qui fait partie du principe des salaf salih. Et donc, on n'a pas le droit aujourd'hui à notre époque d'essayer de remettre cette méthodologie-là en question ou d'essayer de faire croire aux gens que ça c'est quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui ont été éduqués d'une éducation soufie, ou bien si c'est pas directement soufia, c'est avec des tendances ou des inspirations soufia, sans même le savoir parfois. Les gens ont des concepts ou des compréhensions de la religion qui sont tirées de la compréhension des soufis, ils ne le savent même pas. Et dans les, chez les soufis, hein, quelqu'un n'a pas le droit de juger quelqu'un. Peu importe qu'il fasse quelque chose de haram, qu'il fasse quelque chose contraire au Coran et à la Sunna, ou qu'il dise même des croyances qui sont fausses, ils n'ont pas le droit de le juger ou de le critiquer. Ça c'est dans la aqidah ou dans le manhaj de certains parmi les hérétiques, parmi les soufis. Hein. Donc, cette idée-là, elle s'est propagée parmi beaucoup de musulmans, et certains musulmans aujourd'hui s'imaginent que le bon musulman, le vrai musulman, c'est celui qui critique personne, qui ne juge personne, et qui ne dit jamais à quelqu'un tu t'es trompé ou tu as tort ou tu dois te corriger, et que tu laisses passer tout. Celui qui est, pour certains musulmans, celui qui est un bon musulman, c'est celui qui laisse tout le monde faire ce qu'il veut, et qui ne dit rien lorsque quelqu'un fait quelque chose qui est contraire à l'islam. Et donc c'est pour ça que vous allez voir, même parfois, certains pères de famille, ou certaines mères de famille, ils ont dans leur maison des enfants qui font des choses complètement contraires à l'islam, et parfois ils ne vont même pas leur dire que ce qu'ils font c'est haram, ou que c'est contraire au Coran et à la Sunna. Parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de ce que signifie cet islam. Hein. Et ils s'imaginent que le bon musulman c'est celui qui juge personne, et qui disent que tout le monde peut faire ce qu'il veut ou croire en ce qu'il veut. Donc, il faut comprendre que le principe de la réfutation, il fait partie du manhaj des salafs. C'est pas quelque chose d'étranger ou de nouveau. C'est pas quelque chose qui est inventé par Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali à notre époque, comme certains s'imaginent. Hein, il y en a qui disent, ah, ça c'est Cheikh Rabi' qui a inventé ça. Hein, il a amené les réfutations et il a réfuté ses protos. Et si on voit que l'imam Ad-Darimi, il écrit un livre qui s'appelle Ar-Rad ala Bishr al-Murrisi. Et il met dans le titre, il met son nom. Hein? Est-ce que ça c'est quelque chose? On peut dire que de réfuter un individu et d'écrire un livre contre lui, est-ce qu'on peut dire que ça c'est une innovation? Ou que c'est quelque chose qui est nouveau, inventé par un savant de notre époque? Non. Puisqu'il y a des imams parmi les imams des salafs, comme l'imam Ad-Darimi qui est mort en 280 Hijri, et qui écrit un livre qui s'appelle Ar-Rad ala Bishr al-Murrisi, hein, et qui réfute ses croyances et ses idées et ses faussetés. Donc ça c'est un exemple parmi les exemples du manhaj des salafs. Hein. Et le Cheikh Rabia n'est qu'un parmi les ulama qui suivent ce manhaj et qui expliquent ce manhaj pour les musulmans. Hein. Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça c'est juste pour vous donner quelques exemples. Donc je ne sais pas jusqu'où je dois aller parce que je pense que la prière va arriver bientôt. En tout cas, si vous voulez, je continue, puis vous m'arrêtez lorsque vous pensez que c'est le temps que je m'arrête. Sinon, j'ai encore un petit bout encore à aller. Mais c'est à vous de me dire quand est-ce que je dois m'arrêter, sinon moi, je continue. Hein? Ok. Donc, je continue encore, Inch'Allah. Le Cheikh dit « Al-munawaratu li ashab al-firaq al-dalla wa ifhamihim وكشف حقيقة عقيدتهم وبيان زيغهم وبدعهم وفضحهم على الملأ. Le Cheikh dit également, il y a une autre catégorie de livres qui a été écrit par les salafs, qui fait partie des livres dans lesquels il y a des débats, des argumentations avec les gens qui suivent différentes sectes, parmi les sectes d'égarement, et qui réduit à néant leurs shubuhat et leurs arguments, et qui clarifient la réalité de leurs fausses croyances, et qui clarifient leurs déviations et leurs innovations, et qui l'exposent devant tout le monde, c'est-à-dire pour montrer la laideur de leur voix et de leurs croyances. Et parmi les exemples que le Cheikh a mentionnés, il dit « ومن ذلك كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني المتوفى سنة 240 » comme par exemple le livre qui s'appelle Al-Hayda, écrit par un des imams, parmi les imams des salafs, qui s'appelle Abdul Aziz Al-Kinani, dans lequel il y a un débat, hein, un débat entre un parmi les ulama de la Sunna contre un des imams parmi les Mubtadi'a de l'époque, hein, parmi les shuyukh des Mubtadi'a. Donc on voit dans ce livre, c'est comme un dialogue ou un échange. Hein. Le Mubtadi' il amène ses shubuhat et le alim parmi les ulama de la Sunna, il le réfute. Et il réfute ses arguments avec les preuves du Coran et de la Sunna, et il montre la fausseté de ses croyances. Donc ça, ça fait partie des exemples des catégories de livres qui ont été écrits par les salafs pour clarifier la réalité de cette aqidah et de notre voie. Ensuite, le cheikh dit « ذكر عقيدتهم التي يسيرون عليها وبيانها للناس ومن ذلك عقيدة الإمام البخاري عقيدة الإمام أبي حاتم الرازي عقيدة الإمام أو عقيدة أبي بكر الإسماعيلي وعقيدة تقي الدين المقدسي كل هذه الجهود العظيمة من علماء السلف رحمهم الله كان لها أثر كبير في اندحار آراء وعقيدة الفرق وانحسار أمرها وذلك نصر من الله تبارك وتعالى الذي كتب النصر لهذا الدين وأهله إلى قيام الساعة كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Donc le cheikh il dit que il y a une autre catégorie de livres parmi les livres écrits par les salafs et dans ces livres-là il y a la clarification et l'explication de la aqida des salafs. C'était quoi leur aqida? Donc dans cette catégorie de livres-là, quand on va les lire, il y a des, comme par exemple on va dire, bon, un imam écrit un livre et dit, bon, la aqida des salafs, c'est de croire en telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et on va voir qu'il y a une énumération de leurs croyances, et avec la mention parfois de certaines preuves du Coran et de la Sunna pour justifier ces croyances-là. Et il donne comme exemple la aqida de l'imam al-Bukhari, l'imam al-Bukhari qui est mort en 321 Hijri. La aqida de l'imam Abi Hatim al-Razi, hein, qui est mort en 327. Et la aqida de l'imam Abi Bakr al-Ismaili, qui est mort en 371. Et la aqida de l'imam Taqiyuddin al-Maqdisi, qui est mort en 600. Donc il y en a, ça c'est quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Et parmi les livres qui rentrent dans cet exemple-là, il y a justement Usul al-Sunnah de l'imam al-Humaydi, hein, qui explique quelle était la croyance des salafs et des imams parmi les imams des salafs, et qui nous explique justement ces principes-là et ces aspects-là de la religion. Donc, le cheikh il dit tout ça, ça fait partie des efforts, des grands efforts qui ont été faits par les ulama des salafs, que Allah subhanahu wa ta'ala mette sa miséricorde sur eux, et pour expliquer que ces livres-là et ces écrits-là ont eu un grand effet, un grand impact dans le fait de réfuter et de repousser les fausses croyances et les fausses opinions des sectes, et Allah subhanahu wa ta'ala a donné donc la victoire par ces grands imams de l'islam au Coran et à la Sunna, et il a renforcé la vérité par eux pour les gens qui suivent cette voie jusqu'au jour de la résurrection, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, nous allons donner la victoire à nos messagers et à ceux qui ont cru dans cette vie d'ici-bas et le jour où se tiendront les témoins. Donc on va s'arrêter ici. On peut continuer un peu, inshallah, après Salatul Isha, bi-iznillah. Donc on va s'arrêter ici pour l'instant. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.